Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va commencer avec les voyageurs de Ville-Saguenay, les voyageurs qui ont perdu 5-2 hier contre les Aigles de Trois-Rivières. Le lanceur partant était Joey Toupin qui a remporté la victoire. Et le prochain match aura lieu jeudi à Trois-Rivières. La vente de billets pour le match du 25 août à Robertval entre les Saguenay de Chicoutimi et également les Cataractes de Shawinigan va très très bien. Jusqu'à ce jour, il y a 560 billets qui ont trouvé preneur. Et à partir de jeudi, ça sera ouvert à la population. Donc, c'est vraiment un très, très beau succès jusqu'à maintenant, la vente de billets pour ce match hors concours. Parlons maintenant de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. Ça se déroulait hier. D'abord, on va y aller avec un match qui se déroulait dans la catégorie senior masculin division 3. Victoire de Robertval United 4-1 sur le Chinook de Chicoutimi. Senior masculin division 2 maintenant, victoire défaite de 6-3 de Dolbeau-Missassini contre le FC Past. Senior masculin division 2 également, le FC de Saint-Félicien 3, le AC Guérin 1. Donc c'était des matchs qui nous intéressaient hier dans les différentes ligues. Parlons maintenant de golf. Il y avait la Coupe des champions qui se déroulait en fin de semaine. C'était la deuxième portion de cette Coupe des champions qui se déroulait au club de golf de Chibougamau. Et dans la classe A, c'est Rick Jordan qui a été le meilleur avec un pointage de 73. En classe BB, Thomas Laplace a fini en deuxième place avec 86. Et Patrick Beaudoin a terminé avec un pointage de 80 dans la classe B. Le monde de la motoneige à Dolbeau-Missassini a subi une perte la semaine dernière puisque Jacques Goulet, qui a été longtemps président du club de motoneige de Dolbeau-Missassini, est décédé à l'âge de 66 ans. Une personne qui a travaillé avec, c'est Marie Bérubé, l'actuelle présidente du club de motoneige de Dolbeau-Missassini. Elle nous parle évidemment que Jacques Goulet a donné beaucoup pour le club. Tout le bénévolat qui a donné les heures, l'implication, c'est un homme qui est le motoneige. La motoneige lui tient à cœur. Il a toujours travaillé pour essayer de faire le club de Beaumont-Sassini. Il demeure en bonne santé financière. Puis, en plus, pour le club, il a fait beaucoup. Puis en plus, quand il s'est présenté du côté de l'administrateur régional, il représentait tous les clubs de la région. Jacques Goulet a également s'est investi beaucoup il y a quelques années dans un dossier avec l'UPA et le gouvernement. C'est un dossier qui avait passé très très près que les sentiers motoristes soient fermés. Ça rappelle Marie Bérubé. Oui, sa période-là, je peux dire qu'il n'y avait plus de but, on peut dire ça comme ça, parce que c'était une implication des bénévoles, c'est jour, soir, nuit, parce que c'est vraiment un gros dossier, parce que cette année-là, on a passé bien proche de ne pas faire l'activité de la motoneige cet hiver-là. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec l'ex-joueur des Saguenay de Chicoutimi, Laurent Dauphin. Je me suis également entretenu avec Michel Laprise, originaire de Normandin, qui sera chef d'antenne pour le réseau des sports aux Jeux olympiques qui commence cet après-midi à Radio-Canada, un match de soccer. Également, je me suis entretenu aussi avec José Pelé de l'organisation des Blue Jays de Toronto, où on revient sur les transactions chez les Jays. Le sport local et régional, à danadosport.com, la référence du sport lac Saint-Jean, on s'en occupe.